Le premier ministre coréen Park Bong-joo a inspecté le secteur métallurgique de la province du Hamgyong du Nord, notamment le complexe sidérurgique Kimtech, la série de Chongjin, l'usine de ferro-alliage de Buryong et le complexe minier de Mosan. Il s'est informé en détail de l'état de production et de l'élargissement de la capacité productive avant d'organiser des réunions consultatives pour discuter des problèmes nécessaires à augmenter les succès de la modernisation et de l'adaptation à la réalité du pays des processus de production dans les usines et entreprises de l'industrie métallurgique. D'autre part, le Premier ministre a visité la ville de Faelyong, le complexe de construction des machines houillères de Lanam et l'usine d'isolateurs de Gyeongsong.